toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, oh, oh. La sœur Linda, comment tu vas ce matin? Par la grâce de Dieu, je vais bien, merci. Mon frère Nasuru, bonjour. Bonjour, mon frère. Du côté de bonjour. Le frère Melchi, bonjour. Oui, bonjour, frère. Comment tu vas ce matin? On ne te voit pas. Mais là, maintenant, on te voit. Oui, le frère Moïse. Vois, ah, il me connaît. C'est moi qui t'ai acheté, c'est pourquoi. Ah. Frère Moïse, bonjour et bienvenue. Ah bonjour, moi je... Ah ben voilà, voilà Nassassiri. Merci, moi j'ai toujours été là, j'ai toujours été là. Bonjour, bonjour à vous là-bas. Que la, oh, grâce, monsieur, que la grâce et la paix de notre Seigneur te soient multipliées. Amen, amen, amen, amen, amen. C'est vrai, ça faisait longtemps, je t'ai pas habitué. Ouais, mais, ouais, bonjour. Mais je vois seulement une soeur et tout le monde n'est pas là pour moi. Ah, le frère Junior. Toujours, toujours présent, même si je suis en retard. Et madame, elle va bien? Elle va toujours très bien par la grâce du Seigneur. Déjà qu'elle s'appelle Grâce. Ah, Grâce. C'est là. Et toi-même, comment tu vas? Non, ça va, je suis à Tanger, je suis arrivé, c'était quand? C'était avant-hier. Avant-hier. Je suis venu rencontrer un bon frère, un bon soldat. Ouais. Non, mais Nassouri, il est également à Tanger, c'est ça, non? Oui, c'est bien, la famille se retrouve en fait. Donc, voilà. Priso, moi je l'appelle Priso. Priso, on se connaît depuis. Et c'est hier que j'ai su que Priso écoutait les enseignements de Dieu au travers du frère Junior. Et c'est aussi hier que j'ai su que Priso connaissait le frère Melchi. C'est une histoire extraordinaire, sincèrement. Raconte-nous alors en détail. Bon, en détail, qu'est-ce que je peux dire? C'est que j'ai connu... Ibamba, c'est ça? C'est le frère, il y a de cela 2 ans par là, bientôt, non? Oui. Il y a de cela près de 2 ans, c'est le frère Melchi l'année passée qui m'a parlé du groupe, hein, je crois. C'était un groupe, oui. Et c'est vrai, je suis allé, j'ai écouté 1, 2, 3, 4 fois des enseignements. Ça faisait de temps en temps, on s'appelait, mais il disait non, je suis avec le frère Junior. Il m'a parlé aussi d'un frère, Francis, sur Casablanca. Et j'étais allé sur Casablanca, j'ai vu le frère. Et il m'a parlé aussi de. T'as venu au Maroc? Oui. J'étais au Maroc bizarrement, mais on n'a pas eu la chance de se voir. Je suis même arrivé au Cameroun, j'ai eu votre femme au téléphone, je crois. Elle vous a pas dit? Elle m'a dit, mais tu as fixé rendez-vous, tu n'es pas venu. Oui, oui. Moi, je suis pas arrivé, sincèrement. Je suis pas arrivé. Je crois que tout ce que Dieu fait est bon, quoi. Mais sincèrement, j'ai été très mal de savoir que tu étais arrivé au Maroc et que je n'ai pas, surtout à Tanger. Oui, mais comment se fait-il que tu n'aies pas été au courant? Pourtant, c'était posté sur le site. C'était posté sur le site longtemps avant. Bon, tu as déjà conclu, ce ne sont pas des accusations. Tu as déjà dit tout ce que Dieu fait est bon. Nous voici maintenant face à face. Oui, c'est vrai, mais tu sais, dans la vie aussi, Dieu demande d'être d'user de beaucoup de sagesse. Hein? Oui. De beaucoup de sagesse. Et sinon, on peut aller sur. On peut spéculer et être devant des chefs d'accusation. Je n'accuse personne. Voilà pourquoi j'ai dit tout ce que Dieu fait est bon. Mais ce que je veux dire, c'est que si on est vraiment frère, les œuvres aussi, les œuvres de Dieu doivent accompagner les faits et gestes des frères et des sœurs. Est-ce que tu comprends? Et je pense que Dieu aussi, c'est un Dieu de vérité. Et puisqu'on est dans la vérité, je ne veux pas citer, mais c'est le frère Melchi qui est au Congo. À madame, j'ai dit à madame, hein, je n'ai rien caché. Et j'ai dit au frère Melchi, parce que lorsque moi j'étais sur Tanger, je suis allé sur Casablanca parce que je me suis marié avec ma femme. Oui, je me suis marié avec ma femme. Et lorsque je n'étais qu'à Tanger. Lorsque Melchi arrive au Maroc, on se rencontre à Tanger. Priso, on s'est connu à Tanger. Et c'était notre vie ici à Tanger. Vraiment, j'étais fier des frères que j'avais eu à Tanger. Et Casablanca, quand j'arrive, je ne connais vraiment pas Casablanca. C'est une ville qui n'est pas comme celle de Tanger. C'est comme au Cameroun. La mentalité de Bafoussam, la mentalité de Limbé, la mentalité de Yaoundé, tout. Sincèrement, c'était pas la même mentalité, hein, parce que les villes ne se ressemblent pas. C'est pour ça que tu as fui, tu es rentré encore à Tanger, là où tu connais mieux, quoi. Bon, rentrer sur Tanger, oui, c'est là où je suis mieux, quoi, sincèrement. Là, je suis chez Melchi, on est des frères, hein, on se dit tout, hein, et c'est lui-même qui me dit depuis le Congo que non, il y a nos frères juniors qui est au Maroc et tout. Et quand tu es là, je suis avec Vicky, on est même à Tanger, on est sur Tanger, parce que j'étais en train de faire, de préparer mon voyage pour aller sur le Cameroun. Et lorsque je suis avec Vicky, je dis, mais c'est pas possible. Je rencontre ma maman Pauline, qui me dit non, j'ai vu un monsieur là, on nous a ramené quelque part, mais j'ai dit, mais c'est pas possible, mais comment le frère peut venir? Même Jobin ne m'a même pas appelé. Pourtant, avec Melchi, on était Jobin, Gigi, tout le monde, mais pourquoi le frère arrivait comme ça? Et c'est juste un peu estomaqué même. Et puis, tu es rentré avec madame, et quand tu étais au Cameroun, le frère Melchi m'a passé encore ton numéro, tes deux numéros, j'ai appelé madame. Et j'ai dit à madame, c'est vrai, moi je suis venu voir la famille, j'ai beaucoup de choses à faire. Elle m'a dit, c'était des villages, je crois, à la maison, et tout. Moi, étant à Douala, je devais aller voir la belle famille à Bafoussam, parce que moi, je suis du littoral et ma femme, elle est de l'ouest. J'avais beaucoup de choses à faire, sincèrement, mais je veux dire toujours cette parole, tout ce que Dieu fait bien. Moi, je suis pas arrivé te voir personnellement. Mais je pense qu'on est en esprit, hein. Moi, je te vois, on peut se parler et tout. Exactement. Et tout ce que Dieu fait bien. Et soyons juste amour, quoi. Sinon, comment va madame alors? Elle va bien. Là, je l'ai laissée. C'est vrai qu'elle s'apprête à. Elle est là, elle est à Casablanca. Elle s'apprête à voyager, quoi. Parce qu'elle se déplace constamment, parce qu'elle va faire ses formations constamment. Elle n'est plus vraiment au Maroc en tant que telle. Elle n'est pas faire des formations, elle revient de temps à autre. Et c'est un peu ça, c'est le quotidien. Avec Melchi, on s'exhorte, il m'appelle, on s'exhorte, quoi. Et c'est la même flamme qu'on a gardée. Voilà pourquoi quand j'arrive, c'est chez lui que j'atterris. C'est chez lui que j'atterris. Et la dernière fois, il m'a dit de venir être à Casablanca. Les frères, c'est pas facile. Hein. Les frères, c'est les vrais frères. Les vrais frères, c'est pas facile. Tu sais, ce qu'il faut faire dans le Seigneur, c'est que lorsqu'on commence à observer ces choses en milieu chrétien, il va falloir qu'on travaille. Ça veut dire que le Seigneur nous pousse à travailler dans notre propre attitude. Parce que très souvent, on dit aux autres que voici, on a trouvé telle chose. C'est un peu comme dans votre maison. Quand vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut arranger pour montrer aux gens que c'est comme ça qu'il faut arranger. Ça veut dire qu'il faut être vrai pour présenter aux autres la bonne image. D'accord, mon cher frère? Déjà, tu as dit depuis 2 ans, tu as suivi les enseignements. Qu'est-ce que tu as suivi sur Bamba Eba? Qu'est-ce qui t'a choqué? Au point où si tu me vois, tu vas me boxer. Dis-moi quand même. Non, mais déjà, je ne fais pas de la boxe taille, je ne fais pas du kung fu. Je ne vais pas te boxer, je ne vais pas te donner des uppercuts ou des crochets. Moi, ce que je vais te dire, c'est que j'écoute beaucoup, je médite beaucoup la parole de Dieu. Et si le frère Junior, Dieu lui a révélé certaines choses qu'il ne m'a pas encore révélées, et que d'autres trouvent que ce soit peut-être de la démonologie, hein, je vais peut-être crier, dire quelque chose. Je ne vais pas accuser mon frère, non. Et comme tu disais, travaillons d'abord notre attitude et ayons des convictions, des certitudes, parce que si nous ne travaillons pas notre attitude, je ne vais pas contourner la question. Je l'ai dit. Là, la connexion n'est pas bonne avec ta Angèle. Ce n'est pas bien avec ta Angèle. Je ne sais pas si tu m'entends. Ce n'est pas bon avec ta Angèle. Là, c'est Lila, tu m'entends, c'est... Tu m'entends bien? Sur la base de la parole, comprendre vraiment la quintessence de ce que peut-être beaucoup peuvent ignorer. Quoi. Moi, je ne vais pas te boxer parce que des personnes comme toi. Boxer un frère, non, je ne vais pas te boxer. C'est la vérité, la véracité des Écritures. Tu sais, la mécompréhension de la parole aussi peut nous pousser à boxer des gens, c'est vrai. Mais quand tu dis quelque chose, je vais, comme les frères de Béré, je vais vérifier par les Saintes Écritures et poser des questions. Bon, frère, j'ai besoin de témoins, j'ai besoin de ceci, cela. Il faut que tu me. Au travers de la parole, on va chercher, on va creuser. C'est tout, quoi. Mais jusqu'ici, ce que tu dis, frère, dis amen à la vérité, c'est pas facile, hein, moi je crois. Amen à la vraie parole là, parce qu'aujourd'hui, beaucoup cherchent leurs intérêts personnels, quoi. Ils veulent. Je ne viens pas aujourd'hui voir un frère parce que je veux voir Junior. Non. Ça devait se faire sincèrement depuis. Je viens parce que Dieu veut que je sois là aujourd'hui. Je pouvais être là samedi passé. J'ai dit au frère Melchin, non, j'aurais des choses à faire. Je serai là, permets-moi un peu de me libérer et tout. Parce que je veux qu'on fasse parler la parole et que la parole nous convainc, c'est tout, quoi. Si je ne suis pas d'accord, je dis, en fait, c'est pas moi qui ne dois pas être d'accord. La parole doit nous édifier et doit nous convaincre. Ce n'est pas un homme qui viendra me convaincre. Parce que si c'est Junior qui veut me convaincre, moi, je me déconnecte et je m'en vais, quoi. Je vois le grand frère Francis, quoi. Je me déconnecte et je m'en vais. C'est tout. Et on reste frère et je veux pas chercher à faire des guerres, non, moi c'est pas ça mon fort. Voilà pourquoi moi ici quand je viens à Melchi, tel frère va bien, surtout qu'on reste amour et qu'on se dise des vérités. C'est pas tout ce que Melchi accepte dans la parole qui m'arrange, hein. Il est là, hein. C'est pas tout ce que je vois qui peut arranger Melchi comme ça directement. Même au temps des apôtres, il y avait Paul, il y avait Pierre. Puis on a vu le grand Pierre, comme d'autres peuvent dire, le grand Pierre de l'Église se fait reprendre par le papa Paul. Mais c'est resté dans la paix. Hein. Et on a vu que Paul avait souvent raison aussi. Voilà. L'erreur. Je crois que ça pourrait meubler le talk show pour qu'on puisse avoir un bon sujet ce soir. Le frère Francis, bonsoir et bienvenue dans Maraude à la sainteté. Bonjour à tout le monde. Que le Seigneur bénisse. Toujours calme. Toujours calme comme le petit retard. Oui. Bon, toujours calme comme Rigobert son. On écoute, non? Alors, avant qu'on commence ce matin, y a-t-il une préoccupation, un sujet, quoi, une exhortation ou bien une question? Je sais que le frère Nassour a noté ses cahiers, ces questions-là. Il nous m'attend de pied ferme. Apparemment, le micro s'était un peu baissé. Tu disais, je n'ai pas bien suivi. J'ai dit, est-ce qu'il y a des questions, des sujets d'exhortation? Je crois que le frère Nassour nous attend là. Il a certainement des questions à nous poser. Oui, j'ai des questions. Ouais. Voilà. Bon. Mes questions sont un peu embrouillées là, mais je vais faire le maximum de les ordonner. Tout à l'heure, je suis en train de lire. Je ne sais pas pourquoi ton son a beaucoup plus de base comme ça. Ton son a beaucoup plus de base. C'est parce que tu es loin du micro. Je ne sais pas comment ton appareil est configuré. Bon, j'essaie de mettre le casque là. C'est vrai. Mais le frère Melchi, il a froid. C'est comment? Pourquoi il est dans le lit encore? Il est un peu souffrant. Il est un peu souffrant et. La voix aussi. La tête, il était obligé de prendre du doliprane. Oui. Bon, je pense que Dieu va passer au travers du doliprane pour le réconforter. Vous allez me tuer sur la tête avec votre doliprane là. Bon, le frère Nassour, allons-y. Oui, tout à l'heure, j'étais en train de. Bon, le temps est à tendre là. Je lisais un peu le livre de deux rois là. Et à partir du chapitre 17, du verset 17, là, la fin du verset. Bon, là, il y a. Vous m'entendez? Oui, juste là, ton son est basse. Il y a beaucoup de basse, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est quoi, hein? Peut-être c'est la pièce. Non, c'est pas la connexion, c'est la pièce. La pièce est dense. Oui, mon frère, allons-y. Ah, c'est la connexion qui va un peu déranger un peu. Là, ça commence à aller bien maintenant. Là, c'est mieux? Oui, c'est mieux. J'ai ramené le stylo ici. Oui, je disais que le livre du Dieu roi au chapitre 17, à la fin du verset 17, la reproche que l'Éternel fait contre les enfants d'Israël. Bon, on voit bien, à la fin du verset, là, on dit, je vais lire le verset, je vais m'arrêter là où je pose ma question. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Oui. Ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'hériter. Afin de l'hériter, là, ce mot afin, là, on dirait que c'est comme si les enfants d'Israël le faisaient expressément, quoi. Tu as fait un constat. Dans d'autres passages, il n'y a pas de question. On dit que il La connexion n'était pas bonne, là, mon cher frère. Je ne sais pas si tu peux répéter parce qu'on n'a pas du tout entendu. C'est pas sur mon temps là. Frère Moïse, tu as entendu ce qu'il a dit? Oui, là, je n'ai pas vraiment eu le verset parce qu'il y avait des interférences. Il lit dans quel livre? Il a dit un roi, chapitre 17, verset 17. Là aussi. Non, deux rois. Non, il y a des interférences. Un roi, chapitre. Deux rois. Oui, Nas, oui, deux rois, chapitre. 17, verset 17. Ok. Après, ma question, c'est le afin. On dirait qu'on avait, on mettait le tort sur. Comme si les enfants d'Israël connaissaient, ils étaient conscients qu'ils faisaient ça. Parce que quand on lit, par exemple, dans le livre des Juges, au chapitre 2, du verset 12, là-bas, on dit plutôt l'expression qui est employée, c'est ils héritaient l'Éternel. Ils héritaient. Mais ici, on dit afin d'hériter. Moi, je vois qu'il y a il y a une différence, comme le Saint-Esprit en train de faire une différence entre avant et il. Je ne sais pas, c'est moi qui vois ça ainsi. La question est adressée à qui? Il y a des gens qui te regardent. La sœur Linda te regarde. Moi, la Francis, te regarde. Moïse est prêt là-bas. Il est prêt. Il a pris le stylo avec sa hausse. C'est pas obligé que vous fassiez une heure de reprendre. Dans le frère Moïse, on s'adresse à toi. Il n'a pas dit que comme tu as porté le bleu, c'est que tu as le bleu pour le milieu. Voilà, ça. Ça me bloque. Hein. Le frère Moïse, oui. Le frère Moïse, c'est à toi d'aller. Là, on s'entend maintenant, non? Saint sur saint. Oui, on s'entend. Oui, mais c'est comme si à son niveau, il y a des problèmes. Mm. Oui. Oui, ok, vas-y, réponds à la question, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. S'il n'entend pas maintenant, il entendra sur Bamba Iba. Allons-y, mon frère, fonce. Oui, là, on s'adresse à qui? C'est à toi, mon cher frère. Il dit que tu le peux. D'accord. Mm. En fait, moi, je vais relire, hein, je vais relire la parole de Dieu. Il dit, au 2 Rois, chapitre 17, verset 17. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Déjà, si on reste dans le contexte, hein, parce que là, on voit que c'est Israël qui est en train de faire des choses qui ne sont pas justes devant les yeux de l'Éternel. Et là aussi, on voit que c'est les habitants du royaume d'Israël qui sont amenés en captivité déjà. Moi, ce que je peux dire ici, c'est que déjà, ce qu'ils sont en train de faire là n'est pas bien. Ils vont justement à l'encontre de la volonté de Dieu. On voit déjà des gens qui font de la divination. Ils se livrent à des pratiques infâmes. Et ce qui n'est pas déjà, c'est quelque chose qui c'est une abomination devant l'Éternel. Et Dieu est juste dans ses commandements. Parce que le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Les enfants d'Israël sont en train de pécher et ça ne peut que irriter l'Éternel. Mmh. Bon, la question que le frère Nas demandait, il demandait quoi? En fait, il avait posé la question sur le mot afin qu'il a utilisé là-bas. Parce que d'après ce qu'il en a dit, il dit afin de mériter. C'est comme si les Juifs étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Alors qu'il a pris de l'autre côté dans le livre des Juges, chapitre 2, on dit « et il mérite ». Et si vous lisez également dans le livre de Jérémie, chapitre 7, les versets 17 à 18, le dernier volet du verset 18, lisez cela, vous allez voir la même appellation y est donnée encore. Dans le livre de Jérémie, chapitre 7, les versets 17 à 18, le verset 18 termine avec cette même phrase-là, exactement. Jérémie, chapitre... Chapitre 7, les versets 17 et 18. Le verset 18 nous intéresse au dernier volet. Jérémie chapitre 7, verset 17 au verset 18. Je crois que la secrétaire va de temps en temps taper les versets là-bas au milieu. Elle est très forte tout cela, vous allez voir. Je suis là. Il a dit Jérémie 7, verset 17 à 18. 7, verset 17 à 18. Oui, le dernier volet. Le dernier volet. Oui. Le dernier volet. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Voilà. Ok. Donc voilà encore la même expression, n'est-ce pas, de frère Nassour. Et c'est plein comme ça. Dans le livre de Deux Rois également, au chapitre 18, ça se trouve. Alors maintenant, son problème, c'est afin de mériter. Il dit, la compréhension de afin veut dire peut-être que c'est comme si les Juifs étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Oui. Non, mais dis que moi je pense que s'il fallait dire que les Juifs étaient conscients de ce qu'ils faisaient, je serais en train d'accuser injustement, parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Et la Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si on est enfant de Dieu, et que nous devons respecter les préceptes, les commandements de l'Éternel. Et nous nous trouvons en train de faire des choses qui sont à l'encontre de ce que Dieu nous demande de faire. Moi, je pense que tout bon enfant de Dieu, s'il pêche, et de mettre un terme le plus tôt possible, dit que non, ils étaient conscients ici. Moi, je pense que Israël, la prophétie devait s'accomplir, certes, mais Israël était en train de pécher. Oui, on pêche. Moi, si je pêche, je vais pêcher d'une manière consciente. Dit que je vais pêcher d'une manière inconsciente, ce serait vraiment trahir aussi Dieu. Parce que Dieu me dit de ne pas mentir. Je ne dois pas mentir. Et si je me mets à mentir, ça veut dire, je sais que je mens, mais je le fais quand même. Au demeurant, et il le faisait étant conscient ou bien pas alors. Parce que moi, moi je dois comprendre vraiment Israël savait qu'il péchait quand même, frère Junior. Oui. Dis cela à Nassir, au frère Nassir, il faut qu'il comprenne qu'Israël péchait en étant conscient. Parce que Dieu à plusieurs reprises les a avertis. Et même dans ce livre de Jérémie, il nous dit clairement que nous voulons faire ce qu'a déterminé notre bouche, offrir de gâteaux et de libations à la reine du ciel. Ils ont dit cela, ils étaient conscients, n'est-ce pas? Oui. Mais si on prend par exemple le chapitre 2 de Juges, là, oui, à partir du verset 10. Dans le livre des juges, dans le livre des juges maintenant, il n'avait pas de direction dans le pays. Dieu suscitait les juges pour les faire. Et la Bible déclare que chacun faisait comme il voulait. Tu vois la différence maintenant, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il vivait dans le pays sans. Quand un juge était là, il suscitait. Les gens ne s'intéressaient même pas s'il fallait même pour aller là-bas pour l'écouter. Quand le juge mourait comme Shanga, O'Neill, ainsi de suite, Dieu les citait de temps en temps des juges parce que ce n'était pas structuré. C'est pour cela que tu vas voir au chapitre 19, au chapitre 18 et chapitre 19 même de ce livre des juges, il y aura quelqu'un qui va aller créer son propre Dieu avec son propre prêtre, Milka. Tu as lu l'histoire de Milka, n'est-ce pas? Et la Bible déclare là-bas que chacun faisait ce qu'il voulait. Voilà. Mais quand Israël est structuré avec le... Oui, mon cher frère Francis veut parler, veut dire quelque chose. Non, c'était juste pour corroborer et rajouter. Lorsqu'on regarde la vie de l'histoire d'Israël, dès le commencement, le Seigneur, au travers de ses prophètes, a donné des instructions claires. Et lorsqu'il s'apprêtait effectivement à entrer dans la terre promise, le Seigneur rappelle à Israël les raisons pour lesquelles il est en train de chasser les peuples qui étaient installés et adjoignant ou disant au peuple d'Israël de ne pas commettre les mêmes choses que ces peuples-là. Donc, effectivement, et puis Josué va installer le peuple d'Israël dans la terre promise et par la suite, donc, viendront les juges. Toutefois, le peuple d'Israël, bien que vivant, puisqu'il y avait des périodes, chaque fois qu'un juge venait, c'était pour rétablir l'ordre qui avait été mis en mal pendant l'absence d'un juge précédent. Donc le peuple, bien que était effectivement conscient de ce qu'il ne fallait pas faire, et que ce soit dans Juge ou bien que ce soit dans Jérémie, qu'on utilise afin de l'irriter ou que cela l'irritait. Donc, de toute façon, l'acte que ces gens posaient, ils savaient pleinement que c'était en contradiction avec ce que le Seigneur les avait demandé et que forcément, la résultante ou bien le résultat de cette désobéissance, c'était l'irritation du Seigneur. Donc, qu'on soit juge et qu'ils aient une petite conscience de ce que c'était le mal, ou bien qu'on soit en Jérémie, on est un peu plus conscient de ce que c'était le mal. Le résultat, c'est que ils savent que ça va irriter le Seigneur. Donc, qu'on utilise oui, frère. Oui, mais pourquoi alors cette distinction de mots-là? Cette distinction. Non, la distinction des mots, c'est juste la lettre. Donc, il n'y a pas derrière, à moins ce que le Seigneur dit, notamment, il n'y a pas une connotation précise. C'est juste la lettre qui est utilisée, mais derrière la pensée qui est révélée, c'est la pensée, la même pensée. Donc c'est pas parce qu'on a utilisé afin, là-bas qu'on a pu utiliser afin, que forcément il y a une différenciation. Voilà. Juge chapitre 17, le verset 6, le frère Nassiro, lis-nous ça, le temps que nous disons bonjour et bienvenue à notre bien-aimé CJJ de l'autre côté, soit des Fès, soit de Marrakech, ou bien de toute façon sur le territoire marocain. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Seigneur. Bonsoir, tout le monde. Désolé, je te reviens de l'école comme ça. Ne t'inquiète pas, nous entrons dans une autre étude, dans l'école spéciale maintenant. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue. Amen. Juge chapitre 17, le verset 6. Tu n'as pas perdu grand-chose, on n'a pas encore commencé avec le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça dit le verset 6, mon cher frère? Du chapitre 17 des juges. Oui, il est écrit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà. Donc voilà l'état d'anarchie qui se trouvait dans les périodes, dans les dispensations des rois, des juges. Comme le frère français tient de le dire. Donc ça veut dire que ça soit, et remarquez très attentivement que la Bible déclare par exemple dans le livre de Romains au chapitre 2 que ceux qui ont péché sans la loi seront jugés sans la loi. Et ceux qui ont péché seront condamnés sans la loi, alors que ceux qui ont péché sous la loi seront jugés. Donc, ça veut dire que toutes les façons que tu aies péché avec la loi ou sans la loi, tu seras quand même jugé. Ici, on vivait dans un système d'anarchie. Et de l'autre côté, on vivait dans un système d'arrangement où depuis la tête jusqu'en bas, comme le prophète va dire là-bas, que tout est pourri. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, Israël avait été averti. Parce que depuis la Genèse, depuis Exode, Dieu leur avait donné des livres sur lesquels ils devaient baser pour le faire. Donc d'une façon ou d'une autre, ils étaient coupables et ils le savaient. D'accord, mon cher frère. D'accord. Je souhaiterais aussi vous poser des questions. Des questions? Oui, la sœur Gigi a des questions à poser au frère Moïse. Concernant désolé, il y a le bruit sur moi, le voisin il est en train de faire, je sais pas quoi. Ouais. Je sais pas si ça arrive à vous entendre. On t'entend, je sais pas si les autres t'entendent. D'accord. Je voulais poser une question concernant le mariage, le fait d'épouser les morts là. Est-ce que c'est normal selon la Bible? Épouser les morts comment? Le mariage avec les morts. Non, on célèbre ça comment, ma soeur? Par exemple, si une femme est déjà... si par exemple j'ai perdu ma mère et que mon père, il m'avait pas reconnu quand j'étais petite et que j'ai grandi, je veux me marier, tout ça, on dit que non, il doit épouser... c'est comme s'il doit payer une amende pour ma mère. Quelque chose comme ça. Je sais pas comment ça se passe, mais je comprends pas le fait d'épouser les morts là. Du coup, il va falloir que tu aies assez de compréhension pour vraiment bien poser la question. C'est vrai que dans les dispositions de la loi camerounaise également, c'est... Fais maintenant ton micro, ma soeur, pour que le bruit là ne nous fait pas, ne nous crée pas préjudice. C'est vrai que dans les dispositions de la loi camerounaise, effectivement, il y en a, mais avec la dispense, c'est le chef de l'État, le président de la République, qui peut ordonner maintenant le mariage pour quelqu'un qui est décédé. C'est vrai, on dit que quelqu'un peut épouser une autre personne décédée. Effectivement, dans la loi camerounaise, c'est prévu. Mais c'est quand même curieux, cette disposition-là. Ça se trouve dans la loi camerounaise, par exemple, on épouse les morts. Mais dans la Bible, ça se trouve nulle part, parce qu'il n'y a pas ça. C'est un peu comme le baptême pour les morts, comme l'apôtre Paul parle dans le livre des 1 Corinthiens. Donc, il n'y a pas des choses de telles comme ça, parce que le mariage, c'est pour les vivants. D'accord, ma soeur? Encore que quand les succubes même viennent, on les chasse, parce qu'ils ne sont pas de notre dimension. Le mariage doit être consommé. D'accord? Donc là, maintenant, ce sera les traditions des hommes. Parce que à l'issue de ce mariage-là, il y a les dispositions par rapport aux règles physiques, par rapport au vous appelez l'acte de mariage, ou bien peut-être à l'héritage qui pourrait entrer en action pour pouvoir faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est par rapport aux intérêts. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Puisque la Bible déclare, elle, dans le livre de Romains, Romains, chapitre 7, que si le mari meurt, si du vivant de son mari, la femme épouse une autre personne, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est dégagée. Donc la mort plutôt dégage quelqu'un du lien du mariage. On ne peut pas unir les gens avec le lien du mariage par la mort. Vous voyez, n'est-ce pas? La Bible est formelle là-dessus. La mort dégage des personnes qui étaient liées par le lien du mariage et non le contraire. Voilà. Des questions? Oui, j'ai une question de la part de Emma. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 3, précisément, il est écrit: car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu a jugé digne de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Donc, elle a fait la remarque. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, prédicateurs de l'évangile, effectivement, font des erreurs dans leur prédication. Comment est-ce que cela s'explique? Est-ce que un prédicateur, est-ce qu'un prédicateur authentique de la vérité peut effectivement prêcher l'erreur à un quelconque moment donné de sa vie? On peut dire qu'il peut faire une erreur après revenir. Donc, la question est de savoir, est-ce que véritablement c'est un prédicateur authentique ayant reçu son appel du Seigneur Jésus-Christ peut prêcher l'erreur? Voilà la question. Bonne question, et très bonne question. On va commencer par qui? Le frère Moïse, Moïse va nous dire si son grand-père Moïse avait fait la prédication avec l'erreur. Alors, frère Moïse, fonce. Ok, la question, la question, déjà merci, c'est une très belle question. Et Dieu, je pense que Dieu ne met pas en nous l'esprit de l'erreur, hein, il ne met pas en nous l'esprit de l'erreur déjà. Si on est appelé à servir dans son champ, voilà pourquoi nous devons vraiment être les fils d'Issacar, avoir beaucoup de discernement. Venir prêcher l'erreur, hein, vrai prédicateur, je ne crois pas qu'un vrai prédicateur, et je suis en train de chercher parce que dans ma tête ça tourne déjà, ça doit aller à 1000 à l'heure, parce que je veux savoir qui est celui-là que Dieu a envoyé un jour qui est venu prêcher. Si on peut rester dans la Bible, les prophètes, ceux qui ont parlé de la part de Dieu, si quelqu'un avait prêché l'erreur, je ne crois pas. Ok, on amplifie la question. Dans ces cas, comment comprendre cette idée qui dit qu'ils ont bien commencé, mais ils ont dévié? Oui, frère Francis. Si, pour amplifier, parce qu'elle avait amplifié la question, comment se fait-il que sur un sujet donné, des personnes se réclamant d'être authentiquement du Seigneur ont différents sons de cloche, en différentes interprétations. Avec les mêmes esprits. Oui, la parole, je pense, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 8, où je pense, chapitre. On dit si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Parce que la trompette ne peut pas sonner d'une manière confuse, moi je ne crois pas. Parce que si le message que l'homme authentique de Dieu doit prêcher sonne d'une manière confuse, il y a problème. Moi, je pense qu'il y aura problème. Et justement, vraiment, c'est une question qui est... elle est béton. La question, elle est béton, vraiment. Et frère, je prends l'exemple du frère Junior qui est à côté de moi, qui peut amener un message, et le frère, un autre frère, se réclamant aussi d'être du corps de Christ, de la vérité, prêche le contraire, peut-être Georges Nama, ou je ne sais pas si ici on peut citer les noms. Hein. Est-ce que c'est permis de citer les noms des prédicateurs de ici? C'est permis. Là, il y a un problème, apparemment. Il n'y a pas de problème, mon cher frère, ne t'inquiète pas. Ah, d'accord. Parce que souvent, j'ai vu le frère Junior prêcher sur un thème, il est d'accord avec le frère Georges. À un moment donné, il y a des accords. On s'entend de plus, mais je me dis, mais pourquoi? Mais finalement, qui dit la vérité? Mais pourtant, tous disent, ils sont de Dieu, ils sont de Dieu. Mais au travers des Écritures, quand on vérifie, on dit, mais non, peut-être le frère, il a mal compris. Là, moi, je pense que, sans toutefois vouloir dire ce que Dieu ne met pas dans mon cœur, Je ne peux pas croire à ce que un homme de Dieu authentique vienne prêcher l'erreur. Je ne peux pas croire à cela. Alors, parce que je n'ai pas vu dans la Bible où... C'est vrai qu'il y a des gens qui ont commencé avec Dieu, mais lorsqu'ils sont sortis du plan de Dieu, on a vu la sentence. C'est là. On a vu la fin. Oui. C'est cela que nous allons nous baser maintenant là. Parce que tu as dit, ils ont commencé avec Dieu, ils ont sorti du plan de Dieu. Voyons une vidéo et puis on va y revenir maintenant. D'accord, mon cher frère? Oui, mais vraiment, merci. Que Dieu soit béni. La première chose, c'est de savoir que c'est Dieu qui donne le visa. C'est pas parce que tes papiers sont au complet que tu as le visa. Il y a une odeur, il y a un parfum qui se dégage. Ça s'appelle l'odeur du voyage. C'est important l'argent. Comment mon frère? Non, on n'entend pas le volume. Vous l'entendez? On voit juste l'image, mais il n'y a pas de volume. Ok, donc vous allez la voir maintenant. Vous me dites quand c'est bon, n'est-ce pas? Vous me faites juste comme ça. Bon, la première chose, c'est de savoir que c'est Dieu qui donne le visa. C'est pas parce que tes papiers sont au complet que tu as le visa. Il y a une odeur, il y a un parfum qui se dégage. Ça s'appelle l'odeur du voyage. C'est important l'argent. Appelle ceux qui ne croient pas à l'argent ou à la bénédiction financière. Et c'est la pauvreté, vous allez me dire. Je voudrais vous dire que Marine Le Pen sera effectivement jusqu'à être présidente de la France. Je suis prophète plus qu'un président. Si mon couple prophétique, c'est encore plus fort. Le général de Dieu Canada Montréal, ça va déménager. Le diable est le même partout. Hein. Père, je bénis cette machine. Toute personne qui fait quelque chose d'intéressant, c'est plus que le ciel se souvient de la personne cette nuit. Amen. Ce n'est plus la même machine. Voilà, frère Moïse, you have the floor. Tu disais quoi tout à l'heure? Ok, vraiment, je trouve que c'est triste, hein, c'est triste quand même, c'est triste. Mais souvent aussi, je n'accuse, on ne va pas toujours tirer sur ces gens-là, parce que nous-mêmes, corps du Christ, nous ne voulons pas comprendre ces choses-là, nous ne voulons pas être éclairés au travers de la parole, parce que nous n'allons pas scruter la parole. Déjà, si tu es un enfant de Dieu, et que il y a des choses que si tu écoutes déjà, tu sais que tu n'as pas ta part là-dedans. Tu ne te retrouves pas là-bas dedans, quoi. Et qui est homme de Dieu même? Parce que si on se base sur la lumière de la parole, beaucoup sont dans la confusion. Pourquoi le peuple est dans la confusion? Parce que on laisse ce qui est utile même, les choses du royaume. On ne veut pas s'occuper des choses du royaume. Et on se retrouve en train de faire autre chose, hein, la plupart de très souvent. Là, j'ai vu beaucoup d'erreurs, hein, excusez-moi, moi je ne sais pas, parce que j'ai pris rapidement la Bible aussi, parce que j'ai vu beaucoup d'erreurs. Déjà, je ne sais pas si c'est des superstars ou bien c'est vraiment des hommes de Dieu qui parlent, ou je ne comprends pas au final. L'homme de Dieu déjà, la volonté de Dieu, c'est quoi? Si nous comprenons ce que Dieu veut dans nos vies, il y a des choses auxquelles... Parce que moi, je peux prendre des exemples dans la Bible où il y a des hommes de Dieu. Et si nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, je pense que le corps de Christ, il y a des frères qui ont dit « Ah, on ne peut plus vivre comme ça. » En répondant, je vais juste poser une question d'abord au frère Junior. Frère, est-ce que on peut vivre comme à l'époque des apôtres? Lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres, où il n'y avait pas des gens, les frères se, afin des frères s'organiser à ce qu'il n'y ait pas d'indigents. Est-ce que c'est possible de vivre de nos jours, de vivre comme à 100% et même ça de nos jours? À 100%, on peut vivre ainsi. Amen. Mm-hmm. Amen. Ben, bizarrement, si j'ai rencontré plusieurs qui se disent hommes de Dieu, ils ont même dit que ce n'est pas possible que nous puissions vivre de nos jours comme cela vivait. Oui. Mais je pense que Dieu dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. Oui. Pensons que hier, avec ce Dieu-là, on pouvait vivre comme ça et aujourd'hui, de nos jours, on ne peut pas vivre comme ça. Mm. Parlant du monsieur que je venais de voir, je pense qu'il y a même des poursuites contre ce monsieur. Je ne sais pas. Des hommes de Dieu qui se retrouvent en train de faire du business, de mettre des gens dans du business. Soit ils sont venus faire du commerce, soit ils sont venus faire la volonté de Dieu. Des hommes de Dieu qui disent qu'on peut devenir président, on peut faire beaucoup de choses. On peut... Voilà, il y a toute une confusion en fait. Où se situe le véritable problème? Parce que concernant le passage que le frère a lu de la part de la sœur Erna dans ce livre de 1 Timothée 1, Thessaloniciens chapitre 2, il est clair là-bas qu'ils ont annoncé la parole de Dieu sans un mobile de fraude, sans un motif de cupidité derrière. Donc le modèle est là. Et il dit, Dieu en est témoin et leur conseil également. Et ils disent clairement qu'ils étaient tellement au milieu de ce peuple-là, ils les aimaient tellement au point où ils chérissaient, au point où ils étaient possibles même d'enlever leurs propres yeux pour les donner. Ils devaient le faire. Alors, quel est le problème aujourd'hui? Quel est le problème entre eux et nous? Quel est le vrai problème? Le diagnostic, c'est quoi? Mon frère, moi, je pense que le vrai problème ici, moi, je veux parler de la cupidité de l'homme. L'homme est capable de tout. Moi, je pense qu'il y a des hommes cupides, en fait. Il y a des hommes qui n'ont vraiment pas été saints jusqu'à la fin. Quand je parle de saints, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un travail de fond avec eux. Ils n'étaient pas, moi je pense. Et le frère Francis, je me rappelle, il a lu un passage quand on s'était vu. Il avait dit, et ce passage même, je pense, il disait, c'est parce qu'ils n'étaient pas de nôtres qu'ils sont sortis du milieu de lui. Mm. Parce que s'ils auraient été des nôtres, ils auraient fait la volonté de Dieu jusqu'à la fin. Donc en clair, on peut donc dire que cela n'était pas des dieux dès le départ. Oui, parce que moi je ne pense pas que si tu es dans le plan du salut et si tu es dans la volonté de Dieu, demain on te retrouve en train de faire autre chose et d'être disqualifié. Sincèrement, moi je pense que ils ne sont pas dans le plan. Ok, donc là je pose dans la grande question normalement. Bibliquement parlant, comment devient-on prédicateur selon Dieu? Parce que là est le problème. Parce que ici, nous sommes en train de faire un diagnostic entre les prédicateurs de la Bible. Parce que d'après ce qu'on voit là, on voit effectivement qu'aucun prédicateur envoyé n'a jamais fait d'erreur dans sa prédication. Nulle part. Et bien, quand même l'apôtre Pierre n'entendait pas, ne comprenait pas ce que l'apôtre Paul disait, il savait effectivement, il entendait en disant que ce sont des choses vraies. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit en lui témoignait que la dimension de la nourriture que donnait l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul était tellement coriace, mais pas qu'il rejetait il n'enseignait pas le contraire. La question c'est, si le modèle a été placé comme ça, et dans 1 Jean chapitre 4, la Bible déclare qu'il y a l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Ceux qui sont des dieux nous écoutent. Et ceux qui sont du monde les écoutent, c'est parce qu'ils sont dans l'erreur, c'est à cause de l'erreur qu'ils ont. Alors la question c'est, bibliquement parlant, comment devrait-on devenir prédicateur? Bon, moi je vais m'appuyer sur un verset que j'aime lire et qui me parle très souvent. Lorsque l'épître aux Romains, le frère Paul nous dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Moi, je m'appuie beaucoup sur ce passage parce que je pense qu'il n'y a pas deux évangiles. Oui. Il y a un seul évangile et c'est Christ. Et que ce soit les prophètes, que ce soit ce que nous lisons aujourd'hui, parce que les Écritures et tout, L'évangile, c'est toujours Christ, Christ, Christ qu'on a prêché. Alors, on a mis toujours à l'axe, c'est toujours Christ qu'on a prêché. Il n'y a pas deux évangiles. Et maintenant, l'évangile qui peut sortir hors de ce cadre-là, ça peut amener beaucoup d'hérésies. Parce que maintenant, tu commences à me prêcher les visas, tu commences à me prêcher les voyages, tu commences à me prêcher l'argent, tu commences à me prêcher la prospérité. Est-ce que c'est cet évangile-là que les prophètes ont prêché? C'est d'abord ça. Peut-être vous allez rajouter un peu de l'eau à mon moulin. Moi, je pense qu'un vrai prédicateur, c'est celui-là qui, c'est ce message qu'il doit avoir. Le message que les prophètes ont amené, et les véritables prophètes, ils n'ont pas prêché autre chose. Ils ont prêché ce même message. Je n'ai pas vu des gens dévier. Moi, je pense que pour être un vrai prédicateur de Dieu, voilà sur quoi on doit s'appuyer aussi. C'est un élément fondateur sur lequel on doit rester. C'est sur cet évangile-là. Parce qu'en voulant créer des slogans, des dogmes, on va se retrouver en train de prêcher des slogans aux personnes. Et comme le monde aime trop le suivisme et tout ce qui frappe à l'œil et tout, voilà pourquoi beaucoup s'égarent aujourd'hui. Voilà pourquoi beaucoup ne sont plus dans la vérité. On ne suit pas un frère parce qu'il a la vérité. Moi, je suis un frère parce qu'il travaille ou qu'est-ce qu'il peut me donner, qu'est-ce qu'il peut me rapporter. Et qu'est-ce... Voilà autant de choses dans notre société d'aujourd'hui. Cette société de consommation où on vient même à l'église, pas parce qu'on aime Dieu, on vient parce qu'on veut résoudre nos... Voilà autant de choses qu'il y a. Et puisque cette personne-là, ils comprennent le bon jeu, ils deviennent... ils commencent à faire du... Moi, je pense... Ce passage m'a toujours beaucoup parlé et c'est sur ce passage que moi personnellement je m'appuie. Qu'est-ce que les autres ont prêché avant nous? Les véritables prophètes que je lis, est-ce qu'ils ont prêché ça? Même j'ai vu Élisée, le prophète. Naaman est arrivé. Naaman a demandé à ce qu'il ait la guérison. Il a commencé à citer les grands fleuves de chez lui, les capacités, nos diplômes, on veut toujours exceller dans ça. Mais pourtant, ce n'était pas ce qu'on demandait. C'est une esclave qui l'avait dit, mais si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu aurais fait. Mais là, il te demande juste de te tremper dans l'eau, cette fois, et puis ressortir. Et il a quand même écouté. Moi, je pense que, comme vous dites, comme on dit, l'esprit de l'erreur, c'est pas Dieu qui peut mettre ça. Il ne peut pas mettre ça chez un prédicateur authentique. Je ne pense pas. Alors, avant, parce que le frère Francis voudrait parler, avant de poser, avant d'avancer, est-ce que dans la nature, sur le plan naturel, si on prend les arbres, y a-t-il un moment où le papaye peut produire, faire l'erreur, ça produit de la goyave? Non, je ne crois pas. Y a-t-il un moment donné où le faux papaye, vous savez, il y a des papayes qui, des petits papayes qui ne produisent pas à la fin. Y a-t-il un moment où ça grandit, à un moment donné, ça refuse de produire et puis ça commence à produire le faux comme ça? Non, je n'ai jamais vu, frère. Peut-être, je ne sais pas, peut-être la science, je ne connais pas, mais moi, je n'ai jamais vu. Mais le Seigneur ne dit pas que c'est à leurs fruits que vous reconnaîtrez l'arbre? Justement. Eh bien, dans ce cas, quand quelqu'un commence à prêcher, comme on dit, il prêche bien, après un moment, il injecte des semences de cette doctrine-là. De quelle nature est son arbre, cet arbre-là? Frère Francis? Non, je crois que le Seigneur Jean lui-même dit que la nature... ne vous enseigne pas toutes choses, ne vous enseigne-t-elle pas? On n'a jamais vu, et même si la science essaie de modifier, on n'a jamais vu un papayer produire une goyave, et vice-versa. Même si il y a mixture à la base, il faut que ça soit la source qui soit touchée. Ce n'est pas que subitement quelqu'un a bien commencé, et puis subitement, il passe à autre chose. Ça veut dire que dès la base, dès la source, le noyau même, qui est le centre de la vie, était un autre noyau. Donc, il est impossible, je dis bien impossible avec un grand I, que quelqu'un dise qu'il a bien commencé et qu'il a mal fini. Pour quelconque raison que ce soit, ça n'existe pas, ça n'est même pas possible. Est-ce que dans les Écritures, on a vu de telles personnes, des hommes de Dieu qui ont bien commencé et ont mal terminé? Ils n'ont pas fini la course. Effectivement, je dis de A à Z, quand on commence à partir de Genèse jusqu'à Apocalypse, tout ce qui a été authentiquement envoyé, manifesté par le Seigneur, aucun n'a mal terminé, aucun. Tous ont prêché, et c'est ce qu'on a dit dans le départ, on va se rendre compte que tous ont prêché dans, dans, dans la vérité, authentiquement la vérité, sans jamais annoncer rien d'autre que ce que le Seigneur leur avait demandé d'annoncer, montrant par là que, effectivement, c'est l'Esprit du Seigneur qui était en train de les enseigner. La problématique que pose ce sujet réside dans le fait que on peut être du faux et dire des choses vraies. Voilà. Et donc, les gens ne comprennent pas ça. Qu'on peut être du faux et à un moment donné, dire des choses vraies. Mais ce n'est pas parce qu'on dit des choses qui sont vraies. Là, je prends le cas spécifique qu'on vient de voir. Il dit que le visa, ce n'est pas le fait d'avoir les papiers qui te donne. C'est Dieu qui te donne. Ce qu'il dit est vrai. À ça, on dit amen. Mais ce n'est pas parce que il a dit ça que ça veut dire que lui-même, il est vrai. À un moment donné, on a vu des souverains sacrificateurs qui étaient contre le Seigneur annoncer des choses qui devaient se réaliser et qui se sont effectivement réalisées. Exactement. On l'a vu dans Jean 12. Donc, et c'est là toute la problématique, c'est que les gens pensent que à partir du moment où quelqu'un peut avoir dit quelque chose de vrai, que ça veut dire qu'il avait bien commencé, en fait, qu'il a mal fini. Non. En fait, à partir du moment où il commence à être dans l'erreur, il ne fait que manifester ce qu'il est en réalité. Il ne fait que manifester ce qu'il est en réalité. Donc, il ne pourra jamais y avoir de quelqu'un qui commence bien et qui finit mal. Et je voulais juste ajouter un point par rapport à la question que notre bien-aimé frère a posée. De savoir comment est-ce que finalement on est appelé de Dieu. Comment ça se fait? Vraiment, quand je regarde les Écritures, je me rends compte d'une chose. Je me rends compte que le Seigneur a toujours opposé les pharisiens, les sadducéens, qui étaient assis sur la chair de Moïse, qui étaient donc, de leur époque, c'était eux les prédicateurs. Leur manière de faire, à la manière avec laquelle lui, il a évolué. Et lorsqu'on jette un regard aujourd'hui, dans notre époque, on se rend compte qu'il y a une constance chez toutes les personnes qui se disent être de Dieu, mais qui ne le sont pas. C'est quand aujourd'hui, pour devenir apôtre, pasteur, docteur, prophète, et j'en passe, et tous les titres qu'on connaît, c'est que quelqu'un, la première chose, quelqu'un dit qu'il a reçu une révélation. Et de sa révélation va sortir un nom. Et pour cela, quand tu as reçu un nom, il faut absolument qu'il passe à une école biblique pour se faire former. Oui. Il faut que son ministère soit reconnu par son père spirituel. Oui. Sans quoi, s'il n'y a pas tous ces éléments-là, il ne peut pas être reconnu, authentifié comme étant homme de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la généralité, c'est la constance chez tout le monde. Or, lorsqu'on va dans les Écritures, de qui est-ce que cet exemple est tiré? On va se rendre simplement compte que c'était les pharisiens qui étaient organisés en caste, qui avaient leurs écoles, qui devaient se faire reconnaître par leurs supérieurs. Et donc, la condamnation du Seigneur était claire contre les pharisiens. C'est qu'eux, ils n'étaient pas du Seigneur, ils n'étaient pas de Dieu. Ils pouvaient dire des choses intéressantes parfois, mais eux-mêmes étaient hors de cette vérité-là. Mais lorsqu'on voit maintenant comment les apôtres, nos illustres aînés ont commencé, c'était des gens qui étaient des pécheurs, d'autres étaient des collecteurs d'impôts, et un matin comme ça, le Seigneur vient les prendre et leur dit « Suivez-moi, sortant de nulle part. » N'ayant eu aucune formation préalable, une formation, bon, vous allez aller à l'école, et puis après, ça va se passer comme ça. Et par la suite, ça se passe de la même façon. Donc, pour terminer, Romains 10 nous donne le truc. Nous parle et nous dit quelque chose. Dans Romains 10, j'y étais d'ailleurs tout à l'heure. Romains 10, je crois pas le verset. Excusez-moi, juste un instant, oui. Je tombe. Voilà, à partir du verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendant-ils parler s'il n'y a personne qui presse? Et comment aura-t-il des prédicateurs S'ils ne sont pas envoyés, qui les envoie? Il y a un maître. Il y a un maître à qui appartient la moisson, à qui appartient le champ. C'est lui qui suscite les gens qu'il envoie. Et il les envoie selon sa, selon son bon vouloir, selon le plan qu'il a déjà lui-même défini dès le départ. Et les personnes qu'il envoie, on va se rendre compte, ce ne sont jamais des personnes qui suivent le modèle humain qui est tracé. Ce n'est pas des gens qui se lèvent. J'étais scandalisé lorsque j'écoutais un monsieur qui dit « Il faut que tu sois capable de faire ta généalogie spirituelle. On doit connaître ton père spirituel, ton grand-père spirituel, ton arrière-grand-père spirituel. Si tu n'es pas capable de donner cette généalogie-là, tu n'es pas digne d'être homme de Dieu. » Et si tu fais, c'est un monsieur qui se dit être prophète. Alors, j'ai voulu lui poser la question de savoir qui est le père spirituel de Élie. Oui. Qui est le père spirituel de Ésaïe? Qui sont les pères spirituels de Ézéchiel? Donne-moi le. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on dit qui est le père spirituel de Jean-Baptiste? Donc, c'est des infamies qu'on est en train de raconter, des abominations qu'on est en train de raconter actuellement. Malheureusement, beaucoup de personnes tombent dans le piège juste parce que quelqu'un a dit quelque chose qui était bien. Je rappelle que Judas faisait partie des apôtres, qu'il a annoncé l'évangile authentique et que des gens de son époque ont cru en Jésus-Christ, mais que lui-même a été rejeté parce qu'il est parti en son sein, en son lieu, parce qu'il ne faisait pas partie des brebis du Seigneur. Donc, on peut annoncer des choses qui soient vraies, mais être foncièrement faux et ne pas être de Dieu. Et le prédicateur authentique du Seigneur, non seulement c'est celui qui est appelé par le Seigneur, mais c'est celui qui est authentifié, qui est scellé de son esprit, qui est scellé véritablement. Pas que le Saint-Esprit peut le remplir de temps en temps pour parler, mais non seulement il est rempli du Saint-Esprit, mais non seulement il est scellé du Saint-Esprit, montant par là qu'il appartient à ses enfants. Donc, c'est là que je voulais dire pour laisser la parole aux autres. Voilà. Donc, je crois qu'on va encore s'étendre sur ce thème-là parce qu'il va falloir qu'on regarde dans les Saintes Écritures comment ce que le Seigneur dit de ses pasteurs à lui. Vous m'avez la question. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà. Oui, mon frère. Je voulais juste dire quelque chose. Si je comprends bien, au travers de la réponse du frère Francis, je crois alors comprendre que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui acquit. Exactement. C'est ce que la Bible Saint Écriture enseigne. D'accord. Voilà. Donc, voyons donc quelques vidéos et prenez les stylos et autres là-bas et notez donc les séquences et puis on y revient dans un instant. D'accord, frère? D'accord. Et il y a la soeur qui veut. Oui, quelle est la question? On y va. Alors, le son, vous entendez le son, n'est-ce pas? Voilà. Ma Seigneur, la puissance spirituelle ou la puissance financière. Mais vous y avez mis son nom. Salomon, il avait la sagesse, c'est la puissance spirituelle. Salomon, dans un qui n'a pas mais pour soutenir son royauté, il n'y a pas de la puissance financière. Et c'est quelqu'un qui peut être après ça, il y a mis son nom. Si tu as la puissance spirituelle, tu manques la puissance financière, tu seras détruit. Et si tu as aussi la puissance matérielle, tu manques la puissance spirituelle, tu ne seras pas soutenu. Sauf qu'on est sans pas dans un de l'eau, qu'on s'en a quand on s'en est gouillé à Molimo, on consomme la matière. Obéis à la parole de ses serviteurs. Et Dieu va accomplir la puissance matérielle chez toi. Avance-toi, tu mets ton sang de là et ça arrive et tu viens ici. La grandeur de ta bénédiction est en rapport avec ton prix de sacrifice. C'est une obéissance très importante. Tu auras les hommes et les femmes célèbres qui peuvent donner 100 dollars pour la construction de l'État. Soit 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars, jusqu'à 50 dollars. 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars, 30 000, comme il y a 50 dollars. Avancez-vous aussi. Il n'y a qu'à la loi, et je vais prier pour vous. La bobose, c'est le dernier appel pour ceux qui doivent opérer en dollars. Ils amènent la suite. Quand tu donnes les dollars, tu appelles aussi les dollars. Et ils ont tant aux autres, ces dollars, il n'y a pas qu'à tu sois pour 20 dollars, pas d'ailleurs. Oui. Il y a 4 tickets à l'émotion pour la libre de nous. Les autres sont en prière. Allons-y, jusqu'à 4 000, 3 000, 2 000, 1 000, et je m'arrête à 500 francs, à 500 francs, avancez-vous aussi, par exemple. Avec ces deux jeunes femmes représentant une société financière. Bonsoir. Désolé pour le retard. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Si vous avez reçu ça ou bien si vous avez vu ceci, il s'agit effectivement de GSM Group Forex. Et c'est une conférence publique dont le thème est la mise à jour de la mentalité. Et c'est une forme d'éducation financière. Dans l'objectif est particulièrement de vous révéler les secrets du plus grand marché financier au monde. Devant ses fidèles, un tout autre visage du prophète transformé en promoteur de placements financiers. Il est venu inciter ses brebis à spéculer sur le marché des devises, en confiant leurs économies à une société ivoirienne liée à un autre pasteur évangéliste d'Abidjan. Ça veut dire que vous prenez 1 million, par exemple. Vous investissez, vous nous donnez le nom de votre banque. Et puis, chaque mois, on vous donne 250 000 pendant un an. Moi, j'étais à Abidjan, j'ai mis 4 millions. Chaque mois, je reçois 1 million. Sans rien travailler, je dors. Et ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la fémania. Chacun de vous peut aller... La fémania, un mot camerounais qui désigne de vastes escroqueries. Le pasteur veut convaincre que son placement n'est pas une arnaque. Malgré l'incroyable taux de rendement promis, près de 300% en un an. Ok, vas-y d'abord. Le plus grand marché mondial, aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Vendu par ses commerciales, un placement spéculatif sur le marché à risque d'échange. De quoi susciter le doute chez ses fidèles, même s'ils sont alléchés par l'appât d'un gain garanti. Je ne peux pas avoir cette somme. C'est vrai, de prendre l'argent en place. Maintenant, quelles sont les garanties? C'est-à-dire s'il n'y a pas un retour sur investissement, j'ai besoin de toutes ces sécurités afin de voir à quelle mesure investir. Merci. D'accord. Le simple fait que je me tienne ici pour te parler de ça, je ne veux pas que mon nom aille à la radio, aille à la télé pour qu'on dise que voilà, le gars est venu voler l'argent. Si ça ne marchait pas, j'allais vous dire que ça ne marche pas. Si je prends le soin de vous dire que ça marche, rien que le nom Kamdem Nunga Djounodor est une garantie. Aucune banque ne vous proposera jamais ça. Aucune banque. Et puis, je vous parle comme ça, moi-même, je suis un multimillionnaire. Non, je ne te demande pas, je t'informe. Oh, oh. Non. Il a mis, ne fumez pas la bâtisse. Vous vous notez que je suis béni. La mise minimale, 500 000 francs CFA, plus 50 000 de frais de dossier. Mais à la fin de la réunion, une seule souscription à ce Forex Exchange. Un titre de placement qui a ruiné 10 000 épargnants gabonais il y a quelques mois. Tous victimes d'une fraude pyramidale organisée par un pasteur pentecôtiste. Mais pour le révérend Kamdem, spéculer sur le cours des monnaies reste une voie bénie pour s'enrichir. On va nous arnaquer et on va fermer la structure. Le Forex Exchange en ce moment est la plateforme par excellence par rapport au fait de devenir riche. Mais c'est clair. Je pense qu'un pasteur normal devrait s'assurer que les chrétiens qui la connaissent, le Forex Exchange, connaissent comment ça se passe au niveau des marchés publics et qu'ici il y a des opportunités d'investir qui le font. Moi j'ai investi. Ça m'a rapporté. Et si je trouve un trésor, pourquoi ne pas parler avec mes fidèles? Les Européens, les autres, ils utilisent ça, ils deviennent riches. Du jour au lendemain, le rêve américain est devenu réalité. Mais non, nous le cache. Moi, je l'ai appris. Devenir riche, le rêve américain vu par le pasteur Kamdem, un adepte de l'évangile de la prospérité, comme d'autres prophètes camerounais. Certains ont choisi d'aller développer leurs églises hors du Cameroun, en ouvrant des succursales jusque dans la capitale de la diaspora africaine francophone. Parfait. J'aime bien les montres. Celle-ci, je l'ai achetée en France. Celle-ci, je l'ai achetée aux États-Unis. Celle-ci est un don, comme en fait. C'est peut-être la montre la plus chère que j'ai portée, parce que là voilà, 5 millions de francs CFA. 5 millions, c'est une montre. Si Samuel te porte les montres de plus de 5 millions de francs CFA, pourquoi est-ce que Jonathan Kamdem ou un homme de Dieu ne porterait pas? En tout cas, la Bible dit que nous mangerons les meilleures productions du pays. De belles montres et de beaux costumes pour le jeune prédicateur. Un révérend qui a accepté pour la première fois une caméra dans les coulisses de sa vie de prophète. Chez moi, tout est ouvert, j'ai rien à cacher. Parce que c'est que je sais que je prêche la vérité. Je suis dans ma vérité. Je vis ce que je prêche. Vous n'allez jamais me voir accuser d'avoir pris la femme de quelqu'un, jamais d'avoir pris l'argent de quelqu'un, jamais d'avoir me retrouver dans une boîte de nuit ou d'avoir pris telle ou telle autre chose. Je suis intègre. Il n'y a personne qui me jettera la pierre. Oh, quelqu'un qui est propre à l'extérieur comme à l'intérieur n'a rien à cacher. Les gens ont soif de modèles. Oh, s'ils peuvent me trouver en un pasteur un homme bien habillé, un homme élégant qui parle bien, qui s'exprime bien, il veut le ressembler, je ne pense pas que ce soit quelque chose de mauvais. À l'heure du culte, direction un des quartiers populaires de Douala. En route pour l'une des nombreuses églises de l'empire spirituel du pasteur Kamdem qui revendique plus de 12 000 fidèles. Nous sommes uniques au Cameroun. Il n'y a aucune, depuis que le Cameroun s'est créé avec ça, il n'y a jamais eu une église créée par un Camerounais qui a eu ce genre de croissance. En 6 ans, 35 églises répandues sur presque tout l'étendue du territoire, c'est phénoménal. Une demi-heure plus tard, l'arrivée, sous escorte des membres du service d'ordre, dans l'une de ces églises, située au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation. Un pasteur accueilli par ses fidèles comme un messie, un prophète en sa propre langue. Voilà, merci à nos amis de Afrique Investigation, de Canal Plus, qui nous a servi cela et qui se moque bien du nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crée qui a chaud là maintenant. Frère Moïse, je te crée à chaud. Commentaire. Je crois que vous avez eu à noter des choses là. Commentaire. C'était une belle balade, quoi. Mmh. Bon, j'ai ce que je peux dire, j'ai noté un passage de biblique lorsque j'étais en train de en observant. Il y a le premier homme de Dieu, je pense que c'était au Congo. Il parlait de dollars, de s'aimer. Comment tu l'as appelé? Je dis le premier homme, je dis homme de Dieu, des églises, les hommes d'église, quoi. Donc ça veut dire que le frère Francis, il y a quelque chose là, n'est-ce pas, qui ne va pas? Non, je dis ceci, j'ai dit les hommes des églises, en fait. Non, on a compris. Frère Francis parle. C'est effectivement ça déjà, malheureusement, l'appellation est devenue tellement banalisée. Donc, ce qui est sacré aux yeux de Dieu est devenu quelque chose de banal. Peut-être pas malheureusement dans notre langage, il n'y a pas que toi, frère, pour nous. Allô, vous entendez? Vous êtes là? Oh, gloire à Jésus. Pour sa fille, pour tant d'amour. Reçois la gloire, Seigneur. J'aime beaucoup le frère Paul, vraiment. Dieu nous a laissé un grand cadeau, c'est le frère Paul. Et lorsque Pierre disait la parole dans deux Pierre, j'étais en train de lire tout à l'heure dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3 au verset 15 à 16 où Dieu dit croyez que la passion de votre salut comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies portent le sens comme celui des autres dessins des autres écritures pour leurs propres ruines. Moi, je ne sais pas s'ils font ça sciemment à un moment donné, ou bien leur état de course à la richesse de ce monde, leur aménable, leur propre ruine, quoi. Et vous avez tout à l'heure, le frère disait que il y a des gens qui ne sont pas authentiques, mais qui peuvent dire des choses venant de la parole divine et qui sont vraies. Malheureusement, il y a ce pasteur-là qui dit des choses. Lorsque je regarde ma Bible, je dis, mais comment Jean-Baptiste était? Comment il s'habillait même? Est-ce que financièrement, il pesait lourd? Comment les apôtres étaient? Comment les autres étaient? Ça veut dire qu'il y a déjà une contradiction, là, avec ce monsieur qui parle de... Il faut être financièrement lourd, sinon... vous allez être des... Mais Jean-Baptiste, à peine même s'il avait des vêtements, je me rappelle, et Philippe, si tout le monde était... le roi pouvait dire que si tout le monde était comme Jean-Baptiste, moi je serais encore très riche. Parce que lui n'a pas besoin de ces choses-là. Mais Jean-Baptiste était écouté. On n'avait pas rejeté la parole de Jean-Baptiste. Et... Je vois un homme de Dieu après qui commence à faire du coaching, qui coach même ses fidèles, qui devient un grand homme d'affaires, qui va investir et qui va par la suite se faire, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que si Dieu, ils ont le Saint-Esprit, vraiment Dieu, on va les voler ou bien ils vont perdre leur argent. Déjà, ce n'est pas le plan de Dieu là. Parce qu'ils sont sortis du plan. Et ils sont en train de faire leur propre business. Ils vont investir. Ils vont te dire non. Tu vois, même le chrétien, le soi-disant chrétien là, qui est avec ses autres, qui vont dans ces églises là. Quand on te dit tu vas donner 1 million, tu auras tous les mois 250 000. Tu dors chez toi, tu ne fais rien, sincèrement. C'est trop facile quand même. Même si on ne lit pas la parole tous les jours là. Pour quelqu'un qui est juste un peu intelligent. Comment il y a quelque chose qui tique quand même. Comment moi je vais rester chez moi? J'ai de gros bénéfices et beaucoup de gens se jettent à l'eau. Moi je suis très déçu, parce que ce que j'entends, il parle même de Samuel Eto'o. Il parle du monde. Samuel Eto'o qui met des montres de plus de 5 millions. Comment moi je ne vais pas mettre un homme de Dieu qui dit mettre une montre de 5 millions, sincèrement, de vous à moi, un homme de Dieu qui est content de dire même notre de 5 millions. Peut-être c'est pour voir l'exemple. Peut-être c'est un style de oui. Qui montre l'exemple de l'enlèvement, quoi. Oui. Parce que moi, je suis dépassé. Est-ce qu'il n'y a pas des mamans qui sont dans ces assemblées qui n'ont même pas sous la mamie? Il y aura même des... Mais lui, il te dit, il est content. Il est escorté. Non, moi, je pense que c'est même anathème, hein, ce qu'on est en train de voir. C'est des choses qui ne doivent même pas être... vu. Regardez comment le monde se moque même de soi-disant chrétiens. C'est des gens qui sont dans le monde là, qui viennent faire des reportages même sur ceux qui se disent enfants de Dieu et qui montrent des dérapages. Et ils disent non. C'est-à-dire qu'ils veulent fuir la pauvreté. Et comme tout le monde veut bien manger, tout le monde, ils suivent les choses qui vont, les choses terrestres. Voilà pourquoi il y en a beaucoup qui les suivent, quoi. Beaucoup. Même la dernière fois, quand j'étais avec Vicky, je lui ai dit, tu vois, vraiment, Babylone est grande. Quand il veut vraiment chercher Dieu, tu ne peux pas voir les gens. Mais quand c'est des manifestations, tu vas voir comment c'est full, c'est rempli, et les gens viennent, ils viennent se faire épingler, et ils sont contents. Ils disent, je veux vraiment me faire du business, et puis on se fait avoir, et ça n'a rien à voir avec la vérité. Moi, je pense que les gens doivent revenir à la parole, à la véritable parole, qui est la parole de vérité, et à une vie de vérité, que d'aller vers ces choses-là qui nous ruinent même au final. Parce que non seulement même cette personne aujourd'hui ne trouvera pas la paix, mais avec lui, il va amener beaucoup de gens dans ce désastre-là. Et malheureusement, les gens cherchent le bonheur imminent de la terre et puis ils se font tromper comme ça. C'est pourquoi moi je prends beaucoup du temps aussi pour faire certaines choses. Sincèrement, moi je suis un peu... J'avais vu, mais il y a des choses que je n'avais pas encore bien vues, que je suis en train de voir encore aujourd'hui. Parce que moi quand je vois ça, sincèrement quand je vois quelque chose qui m'arrache, moi je ne reviens pas sur ça. Je ne reviens pas, je ne veux même pas revenir, quoi. Je sais que moi, je n'ai rien à voir là. Je continue, sincèrement. Je n'ai pas le temps, je ne reviens pas. Alors, n'oublions pas. Oui, n'oublions pas la question, les questions que nous sommes posées ici, qui se trament en fond. Comment devient-on pasteur et 1 Thessaloniciens chapitre 2, dont notre sœur a posé comme question. J'ai tout noté, j'ai noté même la réponse. Voilà, allons-y maintenant dans le commentaire, les différentes vidéos qu'on a vues, qu'est-ce qu'on en voit et à l'issue de ces vidéos, peut-on appeler ceux-là à les appeler des dieux, ou mieux encore, peut-on les appeler donc les hommes des dieux? Le frère Nassir. Non, mais c'est pas des hommes de Dieu, c'est du business en fait, sincèrement. Hein. C'est des businessmen et ils ont tout mis en place même pour vraiment faire bien leur business. Parce qu'ils ont tout ce qui va avec, ils ont des artifices. Ils savent en fait. Et il dit que ce n'est pas. Il a utilisé le mot féman. Parce que chez nous, le mot féman, on sait que les féman, la fémania. Et en fait, c'est des féman. Excusez-moi, moi je vais dire la vérité. Parce que les féman, ça veut dire quoi? Ils ont des artifices. Ils brillent pour convaincre les gens. Parce que s'il n'a pas ces artifices, il met une montre de 5 millions pour attirer les gens, sincèrement. Parce que c'est qu'au travers de sa montre de 5 millions là, les gens vont se poser, mais si le monsieur là, en lui, je peux trouver ma solution. On ne voit plus Dieu. Ils deviennent des dieux. Parce que le monde ne voit plus Dieu. Ils voient maintenant des dieux qui peuvent solutionner leurs problèmes. Si je m'approche de ce monsieur là, je peux devenir riche. Il ne dit plus que Dieu peut me combler dans le sens où il va m'amener à aimer ces choses et au final je serai sauvé, quoi. Ça veut dire qu'on voit maintenant des hommes qui vont être des solutions pour les autres. Et ce que moi je refuse, frère, c'est pas que lui, Dieu passe par des. Il a toujours laissé des personnes, mais quel type de personnes? Je veux dire, si le frère Junior parle de telle, d'une chose, je vais discuter et je vais poser les questions au frère Junior. Même pareil, si on a des contacts, non, mais frère, moi je vois ça, on va discuter. Nous avons puis, lui, dans la vidéo, il a dit clairement qu'il prêche la vérité, il vit la vérité à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est ce qu'il a dit. Frère Francis, qu'est-ce que tu en dis par rapport à tout ce que nous avons dit? J'étais en train de me poser la question, Seigneur, pourquoi est-ce que tu réinsistes vraiment qu'on parle de ces choses? C'est capital, parce qu'on en a déjà parlé. Il faut encore qu'on en remette une. C'est affligeant, c'est attristant de voir ce genre de choses. Pour la simple et bonne raison que, une fois de plus, ce n'est même pas lui qui empêche le prix. C'est pas lui qui, c'est pas son nom. C'est Camden, je ne sais pas, je ne sais qui empathie. C'est lui qui empathie le prix. Et qui fait que l'image va être dégradée, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, malheureusement. Parce que de telles personnes font croire que Jésus-Christ est derrière de tels mouvements. Là, les faits sont clairs, les faits sont nets. Et je pense une fois de plus, une fois pour toutes, il faut trancher, il faut trancher la croix en deux. Les faits sont clairs. Les hommes n'agissent pas selon la vérité. Et ils sont dans l'erreur. Donc, par rapport à ce que je suis en train, s'ils sont dans l'erreur. Le frère Nassir, coupe ton micro, il y a un retour là, et c'est désagréable. Le frère Nassir, coupe ton micro, oui. En attendant que le frère Francis parle. Oui, frère Francis. S'ils sont dans l'erreur, il n'y a pas un autre esprit, à part celui de l'erreur, qui peut amener dans l'erreur. Donc, ça veut dire que ce sont des serviteurs du mensonge, ils ont pour père le diable. C'est ce que les Écritures disent. Et ils ne font que suivre ce que leur cœur est emporté. Ils sont remplis d'orgueil, ils sont remplis de prétention pour faire des choses comme leur père font. Donc, en fait, ils ne font que manifester en réalité ce qu'ils sont en profondeur. En vérité, ils ne peuvent pas faire autre chose que cela. Ne demandez pas à effectivement, comme on a dit tout à l'heure, ne demandez pas au manger de produire le papaye. Ça ne peut pas se faire. Donc, ils sont clairement dans l'erreur et on les reconnaît simplement par leurs fruits. Parce que on peut chercher dans les Écritures de A à Z, on ne verra nulle trace, je dis bien nulle trace, des prophètes, des apôtres, et de ceux qui sont des hommes de Dieu authentiques, véritablement, avoir ce genre de comportement, pouvoir dire ce genre de choses, une personne à lui seul, à trois. Alors que dans son temps, les personnes qui étaient en train de l'applaudir là, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont même pas mangé depuis 2 à 3 jours, ils sont là, en train de le regarder, et il a les hommes qui se disent les hommes de Dieu, mais qui sont les hommes de Dieu de ce monde-ci, sont en réalité en train de marcher conformément aux hommes qui sont les princes dans ce siècle. Oui. Il fait référence à qui? Il fait référence à Ésophis. Sans vouloir le connaître, sans vouloir le critiquer, on peut comprendre et connaître tout ce qui tire sa gloire. On ne peut pas avoir la gloire de ce monde sans avoir un temps soit peu baptisé avec le prince de ce monde. Donc, voilà clairement qui sont les exemples. Et ça, on l'a souvent fait. C'est-à-dire, on va retrouver dans les différentes assemblées qu'on regardait tel, regardez Bill Gates, regardez, je ne sais pas moi, tel Jeff Bezos, regardez tel. Voilà des hommes qui ont marqué les générations. Voilà comment il faut marquer les générations. Donc, ceux qui sont pris ici en modèle, en type à suivre, ce sont les gens de ce monde qui ont partagé avec Satan. Mais nos illustres grands frères ne sont pas pris en référence. Oui, frère Francis, là, permets-moi de te relancer. Nous avons vu dans cette vidéo-là comment, dans la première vidéo du Congolais qui disait que si tu sèmes en dollars, tu récolteras en dollars. Que si tu as la puissance spirituelle sans avoir la puissance financière, tu ne seras pas soutenu. Et il prend l'exemple de Salomon et ce qu'il dit est totalement tordu par rapport à ce qui est arrivé là-bas. Parce que Salomon n'a jamais demandé, c'est Dieu qui a décidé de lui octroyer cela. La deuxième chose, c'est la Bible est on ne peut plus clair dans 1 Timothée chapitre 6 en disant que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Puis on donne l'ordre aux hommes de Dieu de fuir ces choses, de fuir ces choses. Et ce qu'on demande de rechercher n'a rien à voir avec le matériel. Le verset 11 du chapitre 6 de 1 Timothée dit clairement, il recherche l'amour, la justice, la paix, et en demandant d'abord de fuir. Mais ici se trouve quelqu'un qui s'appelle homme de Dieu, organise une conférence avec ses réseaux pour venir faire, et la Bible déclare dans Romains chapitre 12, que notre mentalité soit renouvelée pour être octroyée aux choses du royaume, pour discerner les choses les meilleures, les choses qui sont bien agréables et parfaites. Ici, lui veut faire le renouvellement et l'intelligence pour octroyer plutôt l'aspiration financière et le désir d'être des gagnants de ce monde aux gens. La question que je pose maintenant, c'est, on entend les gens disent là-bas « Amen ». Et le monsieur de se vanter qu'il est millionnaire, les gens disent « Amen » encore, il dit que c'est... Est-ce que c'est l'attitude d'un prédicateur appelé de Dieu? Que non. Absolument que non. Parce que, une fois de plus, quand on regarde ce qu'ils nous ont donné comme exemple, d'ailleurs, je crois que c'est Paul qui le dit, il dit, soyez mes imitateurs comme moi-même, je le suis de Christ, et imitez ceux donc qui ont un comportement digne. Prenons, arrêtons-nous, parce que à un moment donné, il faut que ces choses s'arrêtent. Regardons la vie de Paul, qui était manifestement l'un des piliers du sentiment de l'Église, même s'il ne l'a pas lui-même dit. On peut au travers de sa vie le voir. Voilà quelqu'un qui, dans le livre de 2 Corinthiens, est en train de donner les caractéristiques d'un apôtre, mentionnant le fait qu'ils ont tout fait de la fin, ils ont manqué sa foi de foi, il a dû gêner parce qu'il n'avait pas de quoi boire et de quoi manger, il a reçu combien de fois 40 ou moins ans, sur les routes, il a été victime de voyous qui l'ont agressé. Donc, comme quoi, on peut agresser un homme de Dieu, alors que ce chef Paul, qui a été l'instrument par lequel le Seigneur a amené le réveil, a amené les hommes en Asie à le rencontrer, aurait pu aisément utiliser de son aura, de sa capacité de savoir prêcher l'évangile pour se faire de l'argent. Aucun nom. Même ce qui, et les gens vont souvent chercher certains passages de somme pour essayer d'expliquer que non, pour la dire aussi, si donner tous vos biens, faites part de tous vos biens à ceux qui vous sont, à ceux qui sont vos enseignants. Mais le même pour la question, on le voit quand il appelle les gens. Il dit, je vous ai montré au milieu de vous comment il fallait vivre, comment c'est au père de travailler pour les enfants. Amen. Et donc, on ne retient pas ça, on va chercher une partie très sombre qui est même mal compris pour me dire que non, mais même Paul lui-même a vécu comme ça, alors qu'il est manifeste qu'il n'a jamais vécu comme ça. Autrement, à un moment donné de sa vie, il aurait pu s'inventer que voilà, j'ai eu des voitures, j'ai eu des charrettes, j'ai eu des chevaux, j'avais des serviteurs qui marchaient avec moi. Mais que non, c'était lui qui était serviteur. Donc, jamais il n'a mis l'accent dessus. On regarde les épîtres qu'il a laissés par la bouche de la part du Seigneur. On se rend bien compte que c'est quelqu'un qui a interpellé et appelé, surtout ceux encore en plus, qui devaient être en soutien de la parole, à fuir ces choses. À Timothée, il a dit, fuis ces choses. Il les a mis en garde contre ce genre de choses. Alors, comment, par la parole du Seigneur, il a dit des choses pareilles, et aujourd'hui, c'est le contraire. Il faut bien qu'on se pose dans la question de savoir d'où est-ce que cela est tiré. Est-ce que c'est tiré véritablement du Seigneur? Mais que non, ça ne peut pas être tiré du Seigneur. C'est clairement l'esprit de ce monde, l'esprit de la cupidité, l'amour de l'argent, qui est derrière cela. Et donc ces hommes, on n'a rien contre eux. Il faut simplement donc le voir leur vie. Mais ça ne peut jamais, et au grand jamais, être le Seigneur qui peut inspirer quelqu'un à aller faire une conférence, dite conférence pour le changement de la mentalité financière. Parce que, regardons, parce qu'on aime toujours prendre des cas. Et quand c'est comme ça, comme on n'arrive jamais, comme ils n'arrivent jamais à trouver des exemples dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'abord aller dans l'Ancien Testament. Or, des gens comme Abraham, la Bible nous révèle dans Hébreux quelle était la pensée de son cœur. Malgré tout l'argent que Dieu lui avait donné, lui cherchait une cité que la terre ne peut pas lui offrir. Il cherchait la cité céleste. Dont son cœur était dans le ciel. Je ne suis même pas sûr qu'il s'assoit souvent pour réfléchir. Attends, je vais faire comment pour multiplier mes biens. Il a pris au Seigneur de lui en donner davantage, sans qu'il ne calcule. Isaac, pareil. Jacob, pareil. Joseph, pareil. Ils ne sont jamais assis. Ils ont une gueule. Ils n'étaient pas dans la logique de comment on va faire pour multiplier notre argent. Et aucun, après eux, ne l'a fait. Mais d'abord, où est-ce qu'on peut Salomon, quand ils ont fait l'état de Salomon. Mais le même Salomon, qu'est-ce que Salomon dit dans le livre de Ecclésiastes? Il ne s'est refusé aucun bien. Tout ce que son cœur voulait, il se l'est donné. Mais qu'est-ce qu'il a donc tiré au final comme conclusion? A-t-il donc tiré comme conclusion que vraiment, moi, je vous encourage, réfléchissez comment vous pouvez multiplier l'argent, ou bien à la fin de cela, il a dit, mais après avoir fait tout cela, je me suis rendu compte que ça n'a jamais béni mon âme. Je n'en suis pas sorti plus grandi. Je me suis rendu compte que vanité est vanité, tout est vanité, et tout cela n'est que poursuite du vent. Le plus important, c'est la crainte de l'Éternel. Quelqu'un nous donne quelque chose, quelqu'un est passé au laboratoire, il a expérimenté, il a sorti le produit, et comme il ne peut plus être retouché, d'autres personnes viennent dire que non, peut-être qu'il n'a pas bien expérimenté ça. Nous, il faut qu'on réexpérimente ça. Et le fait est qu'en réexpérimentant tout cela, on se rend compte que on en vient toujours tout. Il faut une fois pour toutes que les gens sachent une chose. Et ça, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, c'est la vérité. Lorsque le Seigneur, dès le commencement à Genèse, a maudit la terre, et il a donné cette terre-là, quand même pour que nous en mangeons. Ça veut dire que cette terre-là, et comme tout vient de la terre, parce que quand on regarde, tout est produit de la terre. Ce qu'on porte, c'est le pétrole, et les voitures, c'est dans le sous-sol. Tout vient de la terre. Or, quand il a déjà dit que cette terre est maudite, ça veut dire qu'il a déjà voué la terre à la malédiction. Et c'est une façon de dire que ce qui sort de la terre-là ne peut pas vous apporter la véritable bénédiction. Donc, je vous donne cela pour un usage, juste pour votre corps physique, pour que vous puissiez en manger, pour que vous puissiez boire, mais ça n'a pas pour vocation de vous enrichir de la véritable richesse. Donc tu as, on peut avoir beau se battre, ces choses qui sont de la terre sont vouées à la malédiction, c'est-à-dire à la destruction, puisque cette terre est vouée à être détruite. Donc tout ce qu'on va prendre ici là est voué à la destruction. Alors comment se fait-il qu'on prenne notre cœur sur des choses qui sont appelées à se détruire? La question là, comment notre cœur est attaché à ces choses alors que c'est voué à détruire? Alors qu'il y a une terre, une meilleure terre qui a déjà été formée, qui arrive et qui celle-là est indestructible, ça montre clairement où est notre cœur. Ça montre clairement où raison pour laquelle on ne doit plus discuter. Il y a trop de paroles dans les Écritures, trop de versets dans les Écritures qui démontrent à soi que ceci est une malédiction, que le fait même de penser s'enrichir, c'est déjà un problème qu'on se crée partout. Le Seigneur m'allait plus loin. Il dit seulement même penser à vous. Il dit ne mets pas ton cœur à vouloir t'enrichir. Donc, quand on commence à. Et ça, ça doit aussi nous attirer, attirer notre attention. Lorsqu'on commence à réfléchir, comment est-ce qu'on va vouloir s'enrichir? Il faut déjà faire une sonnette d'alarme. Il faut qu'on s'arrête d'abord. On dit ah, Seigneur, papa, je cherchais à m'enrichir. C'est un problème. Il faut tout de suite que le Seigneur enlève cela. Parce que les biens matériels, c'est Dieu qui donne. S'il a prévu que tu en auras, il te donnera. Non pas pour toi, mais parce que il faut qu'à côté de toi, il y ait des. C'est pourquoi il y aura toujours des pauvres parmi nous. Parce qu'il faut qu'il y ait des riches. Et à cause de l'argent que tu auras, ce n'est pas pour toi qu'il le donne. Il te le donne pour un pauvre qui est à côté de toi, afin que le pauvre dépende du riche et que le riche dépende du pauvre. Parce qu'à retour, quand tu fais cela, c'est à qui que tu donnes, c'est à Dieu que tu donnes. Quand le pauvre va ouvrir sa bouche pour bénir le Seigneur de ton nom, tu auras la véritable bénédiction. Donc, c'est pour que l'un et l'autre dépendent, pour que l'un dépende de l'autre et vice versa. Mais nous, on n'a pas compris ça. Et on pense qu'on va tous être riches. Oh que non, on ne sera pas tous riches financièrement parlant. Ce n'est pas le but du Seigneur et ça n'arrivera jamais. Donc ces hommes-là qui sont en train de prêcher ces hérésies sont véritablement dans l'erreur et ne peuvent pas avoir été mandatés. Quand quelqu'un commence déjà comme ça, c'est clair et net. On n'a pas besoin de réfléchir, de lui dire à 14h, on n'a pas besoin d'un discernement pas. Parfait du Saint-Esprit, à partir du moment où il commence déjà à évoquer des choses, on comprend tout de suite que c'est l'esprit de l'Antéchrist qui a mis. Et donc, attention. Alors, mon frère, ça nous pousse à travailler la prochaine séance sur un sujet, l'esprit derrière les faux prédicateurs. On va travailler là-dessus. Pour voir, parce qu'en manifestement, on voit, ils font des campagnes, d'autres font pour chasser le diable, des miracles s'y produisent. Il faut qu'on sonde d'après les Écritures l'esprit qui a derrière cette prédication, parce que l'une des choses impliquant l'autre. On va voir dans cette chose-là, dans cet autre enseignement-là, si le Seigneur est derrière pour produire ces miracles qui en ont fait passer. Qu'est-ce que l'Écriture en dit? Parce que beaucoup de personnes témoignent et on voit, il faut qu'on creuse jusqu'à la fin. Mais pour le moment, dans ce premier volet-ci, restons dans, prenons les Écritures dans le livre d'Apocalypse déjà, au chapitre 2, lisons les trois premiers versets. Apocalypse chapitre 2. Lisons quelque chose. Parce que en réalité, d'autres personnes vont dire, ok, je témoigne parce que j'ai appliqué ce qu'il a dit, j'ai eu mon miracle. J'ai appliqué, j'ai eu de l'argent. Comme lui-même le témoigne dans ces choses-là, en disant qu'il a été en Côte d'Ivoire, il a semé, il a vu qu'on s'en reporte. Il a eu de l'argent. Il reste tout simplement et puis l'argent entre. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Donc, Apocalypse chapitre 2, le verset 1 à 3, ou même à 4, qu'est-ce que ça dit? Je crois que je vais lire si vous le voulez bien. Apocalypse, permettez-moi de le retrouver là. Chapitre 2. La Bible déclare, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Le frère Prisotti y est déjà, Nassourou. Ok, c'est bon. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Écoutez bien, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Il me dit qu'on s'asseye là-bas, on parle de autre chose. L'un de tous d'autres volets qu'il faut qu'on regarde aujourd'hui, c'est quand on parle comme ça, les gens disent que oh, non, on ne doit pas se juger les uns les autres. On doit les laisser comme ça. Mais ici, la Bible déclare, en félicitant l'ange de l'église d'Éphèse, qu'ils avaient éprouvé ceux qui se disaient apôtres. Et nous voyons effectivement que cet ange-là, dans 2 Corinthiens chapitre 11, l'a dit. Il dit ces hommes-là, allons dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Au livre de 2 Corinthiens au chapitre 11. Que Dieu vous bénisse, peuple du Maroc. Verset 13, 14 à 15 et 15. Regardez, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13, 14 et 15. La Bible déclare, ces hommes-là sont des faux apôtres. Nous voici ici. Voilà ce qu'on venait de dire dans le livre de Apocalypse chapitre 2. Ces hommes-là sont des faux apôtres, virgule, des ouvriers trompeurs. Vous voyez, ouvriers. Ils sont en train de travailler, mais ils sont des trompeurs. Souvenez-vous que dans Luc chapitre 10, il est question d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Vous voyez, ces hommes-ci, qui se appellent apôtres, sont des faux apôtres. Donc, ce n'est pas les faux apôtres de Christ. Ça n'a rien à voir. C'est donc pour cela que je dis chaque fois des enseignements qu'il n'y a pas de faux vrais biais, ni de vrais faux biais. Il y a les faux biais des banques, il y a les vrais biais des banques. Et à jamais, le faux biais des banques ne deviendra jamais vrai biais des banques. Et à jamais, le vrai biais des banques n'en deviendra jamais le faux. Dès le départ, chacun a sa nature. Et ici, l'apôtre dit, ces hommes-là sont des faux apôtres. Il n'a pas dit les faux apôtres de Christ. Et vous entendez aujourd'hui, quelqu'un dit que ce sont les faux hommes de Dieu. Il peut y avoir des faux apôtres, des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux prophètes. Mais il n'y a pas de faux prophète de Dieu. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que la nature de Dieu ne peut pas devenir faux. Ce n'est pas possible. Donc ici, il dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, virgule, des ouvriers trompeurs. Donc vous voyez effectivement qu'ils sont, ils sont en train de faire une œuvre. Ils sont en train de faire une œuvre, ils sont en train de travailler. Mais on dit que ce sont des ouvriers trompeurs. On continue. Déguisés en apôtres de Christ. Vous avez vu là, on a mis apôtres de Christ. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui sont en train de singer la vraie nature de Christ. Ils sont des singer la vraie fonction que les apôtres doivent faire. Ils sont en train de singer, d'imiter. Quand il parle de singer, ça veut dire imiter. Ils sont en train d'essayer de faire comme les apôtres authentiques doivent faire. Donc, nous voyons ici, dans ce verset-ci, ce n'est pas clairement les vrais du faux. En disant que les autres sont fausses et l'autre est de Christ. Ceux qui sont faux sont essayent de faire comme les apôtres de Christ. On dit déguisés. Quand quelqu'un est déguisé, c'est, quand vous voyez quand un bandit ou bien dans les films où il y a des, où on porte des masques, quand quelqu'un porte le masque sur son visage, vous voyez que son visage n'est pas le vrai. Donc il donne une autre apparence qu'il n'est pas. Quand une femme porte des poudres qu'ils appellent pour disparaître les rides là, elle met sur son visage, ils appellent ça mascaro, c'est mascaro comme ils appellent ça, fond de teint fond. Quand elle met cela, elle se filme sur WhatsApp, elle met ça sur Facebook comme ça, rencontrez-la dans la rue, on va vous dire que c'est elle qui a le compte là, vous allez dire non. Pourquoi? Parce qu'elle a mis un autre visage. Vous êtes surpris que le jour du mariage, elle sort comme ça, comme le Ndjundjou Kalaba. Mais le lendemain, au marché, vous voyez que c'est une autre personne. Parce que quoi? C'est une autre nature, l'artificiel. Donc ici, la Bible déclare que ces hommes se sont déguisés. Mais maintenant, j'aimerais aussi qu'on travaille sur le thème, le déguisement des faux apôtres. Le déguisement, c'est-à-dire que les techniques de déguisement. Comment est-ce qu'ils se déguisent? Parce que si ils se déguisent, ils essaient de se peindre comme le vrai. Ah mon Dieu, Seigneur, donne-nous du temps pour creuser ces choses-ci. Le déguisement, je crois que c'est là deux thèmes qui sortent comme ça. L'esprit derrière les faux prédicateurs et puis le déguisement. Comment est-ce qu'ils se déguisent? Parce que c'est l'apôtre Paul qui dit ces hommes-là. Donc il désigne des personnes dont il est concerné. Parce que si vous prenez depuis le chapitre 1, enfin depuis le verset 1, où il commence à les décrire, que le but de ces hommes-là, c'est les soustraire de la vérité, les soustraire entre les mains des apôtres. Et ici, il dit que ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Puis il dit que ce n'est pas nouveau. Verset 14, et cela n'est pas étonnant. Ça veut dire que ce n'est pas étonnant qu'ils se déguisent ainsi. Ce n'est pas étonnant. Il dit pourquoi? Parce puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Maintenant, si Satan se déguise en ange de lumière, ça suppose qu'il peut se comporter comme quelqu'un qui vient donner les visions, des prophéties, des manifestations spirituelles divines, comme d'autres personnes ont des visions de l'enfer, visions du paradis. Satan donne cela. C'est ce que la Bible est en train de donner ici. Parce que si ces apôtres peuvent venir faire des miracles, exactement comme à peu près comme les miracles du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, pas au travers de ses apôtres, à combien de raisons maintenant leur maître à eux qui les envoie. Donc on dit ici que ce n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas donc étrange, que ses ministres aussi se déguisent en ministre de justice. Gardez bien le mot, ministre de justice. Puis il conclut, leur fin sera leurs œuvres. Alors les œuvres, c'est-à-dire qu'ils pratiquent quoi? Leur fin, regardez, c'est la façon que... Il dit qu'ils vont se déguiser en ministre de justice. Ça dit que des prédicateurs, souvenez-vous, la parole de justice, c'est la parole de l'évangile que nous annonçons. Donc ils vont se déguiser en ministre de cette parole, c'est la prédication de la sainteté, la prédication du royaume, mais c'est le déguisement. Il faut qu'on déniche cet esprit de déguisement. Comment les pasteurs se déguisent? Je crois qu'au Gabon, nous avons vu un thème là-bas, le technique d'enrichissement des pasteurs. Nous avons vu cette technique. Nous allons voir maintenant les techniques de déguisement. On va voir que dans les Saintes Écritures, c'est clairement révélé. En lisant ces passages, nous allons voir clairement que tout était mis au clair là-bas. Maintenant, si nous, qui sommes ici maintenant, avec les Saintes Écritures et tout ce qui est dévoilé, nous refusons d'utiliser ces choses-là pour pouvoir dévoiler, alors On ne pourra pas dire que le Saint-Esprit ne nous a pas averti. Tout est averti ici. Depuis le Seigneur Jésus-Christ, depuis les prophètes d'antan jusqu'aux apôtres et qui en ont dit. Et c'est clair devant de nous maintenant. C'est au point où si vous posez la question à quelqu'un, connais-tu des faux pasteurs? Ce sera difficile pour lui de dire des faux pasteurs. Parce qu'on jauge au niveau du nombre de fidèles, comme celui-ci se jaugeait. Il a 42 églises dans tout le Cameroun. Il dit qu'il a il est fondateur de l'église. Vous voyez effectivement que Jésus-Christ est fondateur de l'église. Ceux-ci sont fondateurs de l'église. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens à moins que vous vous trouviez dans les Écritures pour regarder l'origine de chacun. Vous remarquez très attentivement qu'aucun apôtre de la Bible ne parlera de l'église du Seigneur Jésus comme de comme sa propriété. Personne n'utilisera cette terminologie. Mais les gens aujourd'hui se vantent d'avoir créé une église. Je suis père fondateur de telle ou telle église. Vous voyez cela? Donc en fait, c'est son église à lui. Pas maintenant qu'ils peuvent démettre les gens comme ils le veulent. C'est leur gloire en réalité. Lisons donc deux passages encore avant d'arrêter pour aujourd'hui. Et puis, je vous laisse pour qu'on se réconcilie la prochaine fois. Pleure sur le Seigneur. J'avais une question là. Oui. Oui, on finit d'abord. Éphésiens chapitre 4, puis 2 Timothée chapitre 4. Donc, prenons ces deux passages en parallèle. 2 Timothée chapitre 4 et Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Que Dieu vous bénisse. Donc nous voyons ces choses-ci. Vous voyez, ces questions que nous posons sont nécessaires parce que ça nous permet de creuser. Vous voyez, quelqu'un comme ça va se taguer là-bas en disant qu'il a formé 147 pasteurs. Lui Roarin a écrit lorsqu'il parlait d'une vie motivée par l'essentiel. C'est normal, ils sont des coachs. C'est au point où maintenant vous allez voir dans leur CV, ils sont des... Comment ils s'appellent encore cela? Ils ont des terminologies de coach, des conseillers, ils organisent des séminaires pour faire le cours de leadership, pour avoir des pensées positives. Pas étonnant. Et celui-là écrit le livre Une vie motivée par l'essentiel. À l'extérieur, vous regardez la quatrième de couverture, il écrit qu'il a formé 350 pasteurs. Quand je regarde, je lis, ce monsieur-ci a formé 350 fous pour venir pervertir l'œuvre du Seigneur. Et quand ces 350 fous vont aussi créer leur propre dénomination, voilà 350 au carré de fous qu'on relâche dans la nature. Vous voyez? Voilà là on est. On a des problèmes. Quand il s'est tagué que j'ai formé 450 pasteurs, 150 pasteurs dans 42 églises, vous voyez qu'on a des problèmes sur la terre. Et c'est sans ces choses, de la même façon comme la cupidité a été son mobile, il va retransmettre la même chose, puisque c'est cette mentalité-là qu'il donne aux gens. Et pas étonnant donc que sur le terrain, donc, ils ne font que parler de l'argent. Vous voyez, des gens sont dépassés, des gens qui souffrent, des gens qui ont des cas de maladie, qu'on a dépouillés comme ça pour leur accorder la guérison, dépouillés pour accorder la délivrance, vendre des mouchoirs, vendre de l'encens, vendre de l'eau, ainsi de suite. On est surpris des fois. Quelqu'un qui va se mettre à l'écran, dit que l'apôtre Paul impose les mêmes malades, les malades étaient fois sur les mouchoirs et envoyer aux gens. Maintenant, si vous donnez $550, on va vous envoyer le pyjama que vous portez. L'apôtre Paul, l'apôtre Paul ne vendait pas. On envoyait, et il prend l'apôtre Paul, dit que vous envoyez $550 pour la double onction. Je ne sais pas, il faut les délivrer, je crois. N'est-ce pas, mon cher frère? Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Le verset 7, à partir du verset 7 maintenant. Vous y êtes, n'est-ce pas? Souvenez-vous, après on va prendre 2 Timothée chapitre 4 également. 2 Timothée chapitre 4. Regardez que les apôtres étaient seuls dans leur coin. Le Seigneur les a appelés à la tâche et ils ont fait la tâche que le Seigneur a demandé. Et Jésus, notre Seigneur, a dit dans Matthieu 28, lorsqu'il donnait la commission, il a dit enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit enseignez les choses à votre guise. Il a dit tout ce que je vous ai prescrit. Et l'apôtre Paul dira que, quoi dans ses écrits, il dit que c'est Christ notre Seigneur que nous annonçons. Ce n'est pas nous-mêmes que nous prêchons. Mais quelqu'un se met là-bas, il se prêche lui-même. Il se prêche lui-même, sa montre, ses chaussures, son argent. Alors, que Dieu le pardonne. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs, des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Verset 10. Celui qui est monté, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il va donner les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs. Vous y êtes, vous êtes avec moi? Et il va donner les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous voyez, n'est-ce pas, frère? Amen. Il comment, frère? Déjà donné. Il a déjà donné. Oui, déjà fait. Voilà. Il dit ici au verset 11, et il a donné. Donc la Bible déclare que le jour que Jésus-Christ, notre Seigneur, est descendu dans les régions inférieures pour aller pour la résurrection, quand il montait, la règle a été établie, la distribution des rôles a été faite. Ça a été fait. Chapitre 4 de Timothée, allons-y, allons-y là-bas. De Timothée, chapitre 4, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. La Bible déclare, si vous y êtes déjà, j'ai lu. La sœur Linda, tu y es. Je crois que le son est basse pour ceux qui nous écoutent de l'autre côté maintenant, parce qu'on nous a coupé la lumière ici comme d'habitude. Mais on n'en déplaise, nous allons continuer à parler. Verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Reprends. Censure. Exhorte avec toute douceur et en instruisant. Il le dit parce que il viendra, verset 3, un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. J'aimerais qu'on souligne ces mots-là, la saine doctrine. On va en parler là, l'une des fois aussi. C'est quoi clairement la saine doctrine? Quelle est la mission des prédicateurs? Ou mieux, la Bible parle des hauts prédicateurs de prêcher la saine doctrine. Et on doit supporter la saine doctrine, on doit vivre selon la saine doctrine. C'est quoi dans cette saine doctrine? Qu'est-ce que la saine doctrine? Il faut qu'on réponde à cette question aussi. Parce qu'on dit, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ceci va donner quoi? Ils se donneront, ces hommes, ils se donneront des foules, une foule des docteurs selon leurs propres désirs. Donc nous voyons ici que clairement ce passage-ci va de l'autre, dans l'autre sens, en contraire avec ce qu'on a lu dans Éphésiens au chapitre 4, que quand Christ est monté, il a donné déjà ces applications-là, les apôtres, les docteurs, prophètes, et ainsi de suite. Mais ici, par les désirs humains, les plaisirs humains qui vont rejeter la vérité et vont désirer qu'on leur enseigne quelque chose qui leur plaît, ce désir-là va faire produire une foule de prédicateurs. Ils se donneront. Maroc dans la sainteté, bonjour et à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui. Oui. Moi j'ai encore des questions. Pas une question, j'ai une question. Oui. Note les questions, on va aller voir la prochaine fois pour que ça ne soit pas mélangé avec cet autre enseignement, d'accord frère? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Maroc dans la sainteté. Qui veut me parler? Tu as une question? Une seule. Oui, une seule. Par rapport à notre conversation, j'aimerais demander ceux qui disent alors que bon, c'est qu'ils sont appelés, mais ce n'est pas encore le temps de préparation. Parce que c'était ce qu'on disait beaucoup auparavant et que beaucoup de personnes supportent, disant que non, il ne faut pas parler, ils sont appelés, mais ce n'est pas encore le temps de préparation. Marcel Linda, nous avons besoin des apôtres authentiques pour rétablir la doctrine des apôtres. Bonne soirée. Amen. Oh, gloire à Jésus. Pour sa fille. Pour ton amour. Reçois la gloire, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Ta majesté, nous t'adorons. entendu les cris que tu as glorieuse. Et dans mon cœur, je peux ressentir comme une fois tu es grand, comme une fois tu es beau aussi. Seigneur de ma vie. Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Jésus. Car il n'y a aucun nom qui ait été donné que le nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus. Afin que si tu crois mon frère, afin que si tu crois ma soeur, tu aies la vie éternelle. Oh, reçois la vie en Jésus. Oh, reçois la vie en Jésus. Alléluia, reçois. Reçois la vie en Jésus. Reçois la vie en Jésus. Si seulement tu ouvres ton cœur. Si seulement tu dis oui, Seigneur Jésus. Qui prend de la place en moi. Afin que tout soit contrôlé. Afin que je sois équilibré. Stable. Paix. Tu me donnes la vie. Tu me donnes la vie. Tu me donnes la vie. Nous levons nos mains.